Victor Hugo, Napoléon le Petit. Livre quatrième, Les autres crimes. 1. Question sinistre. Quel est le total des morts? Louis Bonaparte, sentant venir l'histoire et s'imaginant que les Charles IX peuvent atténuer les Saint-Barthélemy, a publié comme pièce justificative un état dit officiel des personnes décédées. On remarque dans cette liste alphabétique, note de bas de page. L'employé qui a dressé cette liste est, nous le savons, un statisticien savant et exact. Il a dressé cet état de bonne foi, nous n'en doutons pas. Il a constaté ce qu'on lui a montré et ce qu'on lui a laissé voir, mais il n'a rien pu sur ce qu'on lui a caché. Le champ reste aux conjectures. Fin de la note de bas de page. Des mentions comme celle-ci. Ad, libraire, boulevard Poissonnière, 17, tué chez lui. Boursier, enfant de 7 ans et demi, tué rue Ticton. Belval, ébéniste, rue de la Lune, 10, tué chez lui. Cocard, propriétaire à Vire, Calvados, tué boulevard Montmartre. Debec, négociant, rue du Sentier, 45, tué chez lui. De Couvercel, fleuriste, rue Saint-Denis, 257, tué chez lui. Labilte, bijoutier, boulevard Saint-Martin, 63, tué chez lui. Montpellat, parfumeur, rue Saint-Martin, 181, tué chez lui. Demoiselle Grélier, femme de ménage, faubourg Saint-Martin, 209, tué boulevard Montmartre. Femme Guillard, dame de comptoir, faubourg Saint-Denis, 77, tué boulevard Saint-Denis. Femme Garnier, dame de confiance, boulevard Bonne Nouvelle, 6, tué boulevard Saint-Denis. Femme Ledeau, femme de ménage, passage du Caire, 76, à la morgue. Françoise Noël, Gilles Thiers, rue des Fossés Montmartre, 20, morte à la Charité. Le comte Poninski, rentier, rue de la Paix, 32, tué boulevard Montmartre. Femme Radoisson, couturière, morte à la Maison Nationale de Santé. Femme Vidal, rue du Temple, 97, morte à l'Hôtel Dieu. Femme Seguin, brodeuse, rue Saint-Martin, 240, morte à l'Hospice Beaujon. Demoiselle Seignac, demoiselle de boutique, rue du Temple, 196, morte à l'Hospice Beaujon. Thirion de Montauban, propriétaire, rue de l'Ancrie, tué sur sa porte, etc., etc. Abrégeons. Louis Bonaparte, dans ce document, avoue 191 assassinats. Cette pièce enregistrée pour ce qu'elle vaut, quel est le vrai total? Quel est le chiffre réel des victimes? De combien de cadavres le coup d'État de décembre est-il jonché? Qui peut le dire? Qui le sait? Qui le saura jamais? Comme on l'a vu plus haut, un témoin dépose. Je comptais là 33 cadavres. Un autre, sur un autre point du boulevard, dit « Nous comptâmes 18 cadavres dans une longueur de 20 ou 25 pas. » Un autre, placé ailleurs, dit « Il y avait là, dans 60 pas, plus de 60 cadavres. » L'écrivain, si longtemps menacé de mort, nous a dit à nous-mêmes « J'ai vu de mes yeux plus de 800 morts dans toute la longueur du boulevard. » Maintenant, cherchez. Calculez ce qu'il faut de crânes brisés et de poitrines défoncées par la mitraille pour couvrir de sang, à la lettre, un demi-quart de lieue de boulevard. Faites comme les femmes, comme les sœurs, comme les filles, comme les mères désespérées, prenez un flambeau, allez-vous-en dans cette nuit, tâtez à terre, tâtez le pavé, tâtez le mur, ramassez les cadavres, questionnez les spectres et comptez, si vous pouvez. Le nombre des victimes, on en est réduit aux conjectures. C'est là une question que l'histoire réserve. Cette question, nous prenons quant à nous l'engagement de l'examiner et de l'approfondir plus tard. Le premier jour, Louis Bonaparte étala sa tuerie. Nous avons dit pourquoi, cela lui était utile. Après quoi, ayant tiré de la chose tout le parti qu'il en voulait, il la cacha. On donna l'ordre aux gazettes élyséennes de se taire, à Magnan d'omettre, aux historiographes d'ignorer, on enterra les morts après minuit, sans flambeau, sans convoi, sans chant, sans prêtre, furtivement. Défense aux familles de pleurer trop haut. Et il n'y a pas eu seulement le massacre du boulevard. Il y a eu le reste. Il y a eu les fusillades sommaires, les exécutions inédites. Un des témoins que nous avons interrogés demanda à un chef de bataillon de la gendarmerie mobile, laquelle s'est distinguée dans ses égorgements, « Eh bien, voyons, le chiffre, est-ce 400 ?» L'homme a haussé les épaules. « Est-ce 600 ?» L'homme a hoché la tête. « Est-ce 800 ?»« Mettez 1200, » a dit l'officier, « et vous n'y serez pas encore. » À l'heure qu'il est, personne ne sait au juste ce que c'est que le 2 décembre, ce qu'il a fait, ce qu'il a osé, qui il a tué, qui il a enseveli, qui il a enterré. Dès le matin du crime, les imprimeries ont été mises sous le scellé, la parole a été supprimée par Louis Bonaparte, homme de silence et de nuit. Le 2, le 3, le 4, le 5 et depuis, la vérité a été prise à la gorge et étranglée au moment où elle allait parler. Elle n'a pu même jeter un cri. Il a épaissi l'obscurité sur son guet-apens et il a en partie réussi. Quels que soient les efforts de l'histoire, le 2 décembre plongera peut-être longtemps encore dans une sorte d'affreux crépuscule. Ce crime est composé d'audace et d'ombre. D'un côté, il s'étale cyniquement au grand jour, de l'autre, il se dérobe et s'en va dans la brume. Effronterie oblique et hideuse, qui cache on ne sait quelle monstruosité sous son manteau. Ce qu'on entrevoit suffit. D'un certain côté du 2 décembre, tout est ténèbres, mais on voit des tombes dans ces ténèbres. Sous ce grand attentat, on distingue confusément une foule d'attentats. La Providence le veut ainsi, elle attache aux trahisons des nécessités. Ah, tu te parjures! Ah, tu violes ton serment! Ah, tu enfreins le droit et la justice! Eh bien, prends une corde, car tu seras forcé d'étrangler. Prends un poignard, car tu seras forcé de poignarder. Prends une massue, car tu seras forcé d'écraser. Prends de l'ombre et de la nuit, car tu seras forcé de te cacher. Un crime appelle l'autre. L'horreur est pleine de logique. On ne s'arrête pas, et on ne fait pas un nœud au milieu. Allez, ceci d'abord. Bien, puis cela encore. Allez, toujours. La loi est comme le voile du temple. Quand elle se déchire, c'est du haut en bas. Oui, répétons-le, dans ce qu'on a appelé l'acte du 2 décembre, on trouve du crime à toute profondeur, le parjure à la surface, l'assassinat au fond. Meurtres partiels, tueries en masse, mitraillades en plein jour, fusillades nocturnes, une vapeur de sang sort de toutes parts du coup d'État. Cherchez dans la fosse commune des cimetières, cherchez sous les pavés des rues, sous les talus du Champ de Mars, sous les arbres des jardins publics. Cherchez dans le lit de la Seine. Peu de révélations. C'est tout simple. Bonaparte a eu cet art monstrueux de lire à lui une foule de malheureux hommes dans la nation officielle, par je ne sais quelle effroyable complicité universelle, les papiers timbrés des magistrats, les écritoires des greffiers, les gibernes des soldats, les prières des prêtres sont ses complices. Il a jeté son crime autour de lui comme un réseau, et les préfets, les maires, les juges, les officiers et les soldats y sont pris. La complicité descend du général au caporal et remonte du caporal au président. Le sergent de ville se sent compromis comme le ministre. Le gendarme, dont le pistolet s'est appuyé sur l'oreille d'un malheureux et dont l'uniforme est éclaboussé de cervelle humaine, se sent coupable comme le colonel. En haut, des hommes atroces ont donné des ordres qui ont été exécutés en bas par des hommes féroces. La férocité garde le secret à l'atrocité. De là, ce silence hideux. Entre cette férocité et cette atrocité, il y a même eu émulation et lutte. Ce qui échappait à l'une était ressaisi par l'autre. L'avenir ne voudra pas croire à ces prodiges d'acharnement. Un ouvrier passait sur le pont au change. Des gendarmes mobiles l'arrêtent. On lui flaire les mains. Il sent la poudre, dit un gendarme, on fusilla l'ouvrier, 4 balles lui traversèrent le corps. « Jetez-le à l'eau !» crie un sergent. Les gendarmes le prennent par la tête et par les pieds et le jettent par-dessus le pont. L'homme fusillé et noyé s'en va à Volo. Cependant, il n'était pas mort. La fraîcheur glaciale de la rivière le ranime. Il était hors d'état de faire un mouvement. Son sang coulait dans l'eau par 4 trous, mais sa blouse le soutint. Il vint échouer sous l'arche d'un pont. Là, des gens du port le trouvent, on le ramasse, on le porte à l'hôpital, il guérit. Guéri, il sort. Le lendemain, on l'arrête et on le traduit devant un conseil de guerre. La mort l'ayant refusé, Louis Bonaparte l'a repris. L'homme est aujourd'hui à Lambessa. Ce que le Champ de Mars a vu particulièrement, les effroyables scènes nocturnes qui l'ont épouvanté et déshonoré, l'histoire ne peut les dire encore. Grâce à Louis Bonaparte, ce chant auguste de la Fédération peut s'appeler désormais « Assel Dama ». Un des malheureux soldats que l'homme du 2 décembre a transformés en bourreaux raconte avec horreur et à voix basse que dans une seule nuit le nombre des fusillés n'a pas été moins de 800. Louis Bonaparte a creusé en hâte une fosse et y a jeté son crime. Quelques pelletées de terre, le goupillon d'un prêtre, et tout a été dit. Maintenant, le carnaval impérial danse dessus. Est-ce là tout? Est-ce que cela est fini? Est-ce que Dieu permet et accepte de tels ensevelissements? Ne le croyez pas. Quelques jours, sous les pieds de Bonaparte, entre les pavés de marbre de l'Élysée ou des Tuileries, cette fosse se rouvrira brusquement et l'on en verra sortir l'un après l'autre chaque cadavre avec sa plaie, le jeune homme frappé au cœur, le vieillard branlant sa vieille tête trouée d'une balle, la mère sabrée avec son enfant tué dans ses bras, tous, debout, livides, terribles et fixant sur leur assassin des yeux sanglants. En attendant ce jour, et dès à présent, l'histoire commence votre procès, Louis Bonaparte. L'histoire rejette votre liste officielle des morts et vos pièces justificatives. L'histoire dit qu'elle mente et que vous mentez. Vous avez mis à la France un bandeau sur les yeux et un bâillon dans la bouche. Pourquoi? Est-ce pour faire des actions loyales? Non, des crimes. Qui a peur de la clarté fait le mal. Vous avez fusillé la nuit au Champ de Mars, à la préfecture, au palais de justice, sur les places, sur les quais, partout. Vous dites que non, je dis que si. Avec vous, on a le droit de supposer, le droit de soupçonner, le droit d'accuser, et quand vous niez, on a le droit de croire. Votre négation est acquise à l'affirmation. Votre 2 décembre est montré au doigt par la conscience publique. Personne n'y songe sans un secret frisson. Qu'avez-vous fait dans cette ombre-là? Vos jours sont hideux, vos nuits sont suspectes. Ah, homme de ténèbres que vous êtes! Revenons à la boucherie du boulevard, aux mots qu'on exécute mes ordres, et à la journée du 4. Louis Bonaparte, le soir de ce jour-là, dut se comparer à Charles X qui n'avait pas voulu brûler Paris et à Louis-Philippe qui n'avait pas voulu verser le sang du peuple, et il dut se rendre à lui-même cette justice qu'il était un grand politique. Quelques jours après, M. le général T., anciennement attaché à l'un des fils du roi Louis-Philippe, vint à l'Élysée. Du plus loin que Louis Bonaparte le vit, faisant dans sa pensée la comparaison que nous venons d'indiquer, il cria d'un air de triomphe au général « Eh bien !» M. Louis Bonaparte est bien véritablement l'homme qui disait à l'un de ses ministres d'autrefois de qui nous le tenons. Si j'avais été Charles X, et si dans les journées de juillet j'avais pris Lafitte, Benjamin Constant et Lafayette, je les aurais fait fusiller comme des chiens. Le 4 décembre, Louis Bonaparte eût été arraché le soir même de l'Élysée, et la loi triomphait s'il eût été un de ces hommes qui hésitent devant un massacre. Par bonheur pour lui, il n'avait pas de ces délicatesses. Quelques cadavres de plus ou de moins, qu'est-ce que cela fait? Allons, tuez! Tuez au hasard, sabrez, fusillez, canonnez, écrasez, broyez, terrifiez-moi cette odieuse ville de Paris! Le coup d'État penchait, ce grand meurtre le releva. Louis Bonaparte avait failli se perdre par sa félonie, il se sauva par sa férocité. S'il n'avait été que Faliero, c'était fait de lui. Heureusement, il était César Borgia. Il se jeta à la nage avec son crime dans un fleuve de sang. Un moins coupable s'y fut noyé. Il le traversa. C'est C'est là ce qu'on appelle son succès. Aujourd'hui, il est sur l'autre rive, essayant de se sécher et de s'essuyer, tout ruisselant de ce sang qu'il prend pour de la pourpre et demandant l'empire. 2. Suite des crimes. Et voilà ce malfaiteur. Et l'on ne t'applaudirait pas, ô vérité, quand aux yeux de l'Europe, aux yeux du monde, en présence du peuple, à la face de Dieu, en attestant l'honneur, le serment, la foi, la religion, la sainteté de la vie humaine, le droit, la générosité de toutes les âmes, les femmes, les sœurs, les mères, la civilisation, la liberté, la République, la France, devant ses valets, son Sénat et son Conseil d'État, devant ses généraux, ses prêtres et ses agents de police, toi qui représentes le peuple, car le peuple, c'est la réalité. Toi qui représentes l'intelligence, car l'intelligence, c'est la lumière. Toi qui représentes l'humanité, car l'humanité, c'est la raison. Au nom du peuple enchaîné, au nom de l'intelligence proscrite, au nom de l'humanité violée, devant ce tas d'esclaves qui ne peut ou qui n'ose dire un mot, tu soufflettes ce brigand de l'ordre. Ah ! Qu'un autre cherche des mots modérés. Oui, je suis net et dur, je suis sans pitié pour cet impitoyable, et je m'en fais gloire. Poursuivons. À ce que nous venons de raconter, ajoutez tous les autres crimes sur lesquels nous aurons plus d'une occasion de revenir, et dont, si Dieu nous prête vie, nous raconterons l'histoire en détail. Ajoutez les incarcérations en masse, avec des circonstances féroces, les prisons regorgeant. Note de bas de page. Le bulletin des lois publie le décret suivant, en date du 27 mars. Vu la loi du 10 mai 1838, qui classe les dépenses ordinaires des prisons départementales parmi celles qui doivent être inscrites au budget départementaux, considérant que tel n'est pas le caractère des dépenses occasionnées par les arrestations qui ont eu lieu à la suite des événements de décembre, considérant que les faits en raison desquels ces arrestations se sont multipliées se rattachait à un complot pour la sûreté de l'État dont la répression importait à la société tout entière et que dès lors il est juste de faire acquitter par le Trésor public l'excédent de dépenses qui est résulté de l'accroissement extraordinaire de la population des prisons, décrète. Il est ouvert au ministère de l'Intérieur, sur les fonds de l'exercice 1851, un crédit extraordinaire de 250 000 francs applicable au paiement des dépenses résultant des arrestations opérées à la suite des événements de décembre. Fin de la note de bas de page. Le séquestre. Note de bas de page. Digne, le 5 janvier 1852, le colonel commandant l'état de siège dans le département des Basses-Alpes arrête. Dans le délai de 10 jours, les biens des inculpés en fuite seront séquestrés et administré par le directeur des domaines du département des Basses-Alpes, conformément aux lois civiles et militaires, etc., Frérion. On pourrait citer 10 arrêtés semblables des commandants d'état de siège. Le premier de ces malfaiteurs qui a commis ce crime de confiscation des biens et qui a donné l'exemple de ce genre d'arrêté s'appelle Hénard. Il est général. Dès le 18 décembre, il mettait sous le séquestre les biens d'un certain nombre de citoyens de Moulins parce que, dit-il avec cynisme, l'instruction commencée ne laisse aucun doute sur la part qu'ils ont prise à l'insurrection et au pillage du département de l'Allier. Fin de la note de bas de page et reprise de la lecture au début de la phrase. Ajoutez les incarcérations en masse avec des circonstances féroces, les prisons regorgeant, le séquestre des biens des proscrits dans 10 départements, notamment dans la Nièvre, dans l'Allier et dans les Basses-Alpes. Ajoutez la confiscation des biens d'Orléans avec le morceau donné au clergé, Schinderanès faisant toujours la part du curé. Ajoutez les commissions mixtes et la commission dite de clémence. Note de bas de page. Le chiffre des condamnations intégralement maintenues, il s'agit en majeure partie de transportation, se trouvait, à la date des rapports, arrêté de la manière suivante. Par M. Canrobert, 3876. Par M. Espinasse, 3625. Par M. Quentin Bochard, 1634. Total 9135. Fin de la note de bas de page. Les conseils de guerre, combinés avec les juges d'instruction et multipliant les abominations, les exils par fournée, l'expulsion d'une partie de la France hors de France, rien que pour un seul département, l'Hérault, 3200 bannis ou déportés. Ajoutez cette épouvantable proscription, comparable aux plus tragiques désolations de l'histoire, qui, pour tendance, pour opinion, pour dissidence honnête avec ce gouvernement, pour une parole d'homme libre dite même avant le 2 décembre, prend, saisit, appréhende, arrache le laboureur à son champ, l'ouvrier à son métier, le propriétaire à sa maison, le médecin à ses malades, le notaire à son étude, le conseiller général à ses administrés, le juge à son tribunal, le mari à sa femme, le frère à son frère, le père à ses enfants, l'enfant à ses parents, et marque d'une croix sinistre toutes les têtes, depuis les plus hautes jusqu'aux plus obscures. Personne n'échappe. Un homme en haillons, la barbe longue, entre un matin dans ma chambre à Bruxelles. « J'arrive, dit-il, j'ai fait la route à pied, voilà 2 jours que je n'ai mangé. » On lui donne du pain, il mange. Je lui dis « D'où venez-vous » « De Limoges. »« Pourquoi êtes-vous ici ?»« Je ne sais pas, on m'a chassé de chez nous. »« Qu'est-ce que vous êtes ?»« Je suis sabotier. » Ajoutez l'Afrique, ajoutez la Guyane, ajoutez les atrocités de Bertrand, les atrocités de Canrobert, les atrocités d'Espinasse, les atrocités de Martin Prêt, les cargaisons de femmes expédiées par le général Guyon, le représentant Miot traîné de casemate en casemate, les baraques où l'on est 150 sous le soleil des tropiques, avec la promiscuité, avec l'ordure, avec la vermine, et où tous ces innocents, tous ces patriotes, tous ces honnêtes gens expirent, loin des leurs, dans la fièvre, dans la misère, dans l'horreur, dans le désespoir, se tordant les mains. Ajoutez tous ces malheureux livrés aux gendarmes, liés 2 à 2, emmagasinés dans les faux ponts du Magellan, du Canada ou du Duguesclin, jetés à Lambessa, jetés à Cayenne avec les forçats, sans savoir ce qu'on leur veut, sans pouvoir deviner ce qu'ils ont fait. Celui-ci, Alphonse Lambert, de l'Indre, arraché de son lit mourant, cet autre, pâtureau-franqueur, vigneron, déporté parce que, dans son village, on avait voulu en faire un président de la République, cet autre, valette, charpentier à Châteauroux, déporté pour avoir, 6 mois avant le 2 décembre, un jour d'exécution capitale, refusé de dresser la guillotine. Ajoutez la chasse aux hommes dans les villages, la battue de Viroy dans les montagnes de Lure, la battue de Pélion dans les bois de Clamcy, avec 1500 hommes, l'ordre rétabli à Crest, 2000 insurgés, 300 tués, les colonnes mobiles partout, quiconque se lève pour la loi sabré et arquebusé. Celui-ci, Charles Sauvant, à Marseille, crie « Vive la République !» Un grenadier du 54e fait feu sur lui, la balle entre par les reins et sort par le ventre. Cet autre, Vincent de Bourges, est adjoint de sa commune. Il proteste comme magistrat contre le coup d'État. On le traque dans son village. Il s'enfuit, on le poursuit. Un cavalier lui abat 2 doigts d'un coup de sabre, un autre lui fend la tête, il tombe, on le transporte au fort d'Ivry avant de le panser. C'est un vieillard de 76 ans. Ajoutez des faits comme ceux-ci. Dans le Cher, le représentant Viguier est arrêté. Arrêté ? Pourquoi ? Parce qu'il est représentant, parce qu'il est inviolable, parce que le suffrage du peuple l'a fait sacré. On jette Viguier dans les prisons. Un jour, on lui permet de sortir 1 heure pour régler des affaires qui réclamaient impérieusement sa présence. Avant de sortir, 2 gendarmes, le nommé Pierre Guéret et le nommé Dubernel, brigadier, s'emparent de Viguier. Le brigadier lui joint les 2 mains l'une contre l'autre, de façon que les paumes se touchent, et lui lie étroitement les poignets avec une chaîne. Le bout de la chaîne pendait. Le brigadier fait passer 2 forces et à tour redoublé le bout de chaîne entre les 2 mains de Viguier, au risque de lui briser les poignets par la pression. Les mains du prisonnier bleuissent et se gonflent. « C'est la question que vous me donnez là, » dit tranquillement Viguier. « Cachez vos mains, » répond le gendarme en ricanant, « si vous avez honte. »« Misérable, » reprend Viguier, « celui de nous deux que cette chaîne déshonore, c'est toi. » Viguier traverse ainsi les rues de Bourges, qu'il habite depuis 30 ans, entre 2 gendarmes, levant les mains, montrant ses chaînes, le représentant Viguier à 70 ans. Ajoutez les fusillades sommaires dans 20 départements. Tout ce qui résiste, écrit le sieur Saint-Arnaud, ministre de la guerre, doit être fusillé au nom de la société en légitime défense. Note de bas de page. Voici, telle qu'elle est au moniteur, cette dépêche odieuse. Toute insurrection armée a cessé à Paris par une répression vigoureuse. La même énergie aura les mêmes effets partout. Des bandes qui apportent le pillage, le viol et l'incendie se mettent hors des lois. Avec elles, on ne parlemente pas, on ne fait pas de sommation, on les attaque, on les disperse. Tout ce qui résiste doit être fusillé au nom de la société en légitime défense. Fin de la note de bas de page. 6 jours ont suffi pour écraser l'insurrection, mande le général Levaillant, commandant l'état de siège du Var. J'ai fait de bonnes prises, mande de Saint-Étienne le commandant Virois. J'ai fusillé, sans désemparer, 8 individus. Je traque les chefs dans les bois. À Bordeaux, le général Bourjoly enjoint aux chefs de colonne mobile de faire fusiller sur le champ tous individus pris les armes à la main. À Fort-Calquier, c'est mieux encore. La proclamation d'état de siège porte. La ville de Fort-Calquier est en état de siège. Les citoyens n'ayant pas pris part aux événements de la journée et détenteurs d'armes sont sommés de les rendre sous peine d'être fusillés. La colonne mobile de Pézenas arrive à Servian. Un homme cherche à s'échapper d'une maison cernée. On le tue d'un coup de fusil. À Entrain, on fait 80 prisonniers. Un se sauve à la nage, on fait feu sur lui. Une balle l'atteint, il disparaît sous l'eau, on fusille les autres. À ces choses exécrables, ajoutez ces choses infâmes. À Brioude, dans la Haute-Loire, un homme et une femme jetés en prison pour avoir labouré le champ d'un proscrit. À Loriol, dans la Drôme, Astier, garde champêtre, condamné à 20 ans de travaux forcés pour avoir donné asile à des fugitifs. Ajoutez, et la plume tremble à écrire ceci, la peine de mort rétablie, la guillotine politique relevée, des sentences horribles. Les citoyens condamnés à la mort sur l'échafaud par les juges janissaires des conseils de guerre. À Clamcy, Milliteau, Joannin, Guillemot, Sabatier et Four, à Lyon, Courty, Romégal, Bressieux, Foritz, Julien, Roustin et Garand, adjoint du maire de Cliousta. À Montpellier, 17 pour l'affaire de Bédarieux, Mercadier, Delpech, Denis, André, Barthez, Triadou, Pierre Carrière, Galzi, Calas, dit Levaché, Gardy, Jacques Pagès, Michel Hercule, Mar, Venne, Frier, Malater, Beaumont, Pradal, les 6 derniers par bonheur contumace, et à Montpellier, encore 4 autres, Schumach, Vidal, Cadelard et Pagès. Quel est le crime de ces hommes? Leur crime? C'est le vôtre, si vous êtes un bon citoyen. C'est le mien, à moi qui écris ces lignes. C'est l'obéissance à l'article 110 de la Constitution. C'est la résistance armée à l'attentat de Louis Bonaparte. Et le Conseil ordonne que l'exécution aura lieu dans la forme ordinaire, sur une des places publiques de Béziers, pour les 4 derniers et pour les 17 autres, sur une des places publiques de Bédarieux. Le moniteur l'annonce. Il est vrai que le moniteur annonce en même temps que le service du dernier bal des Tuileries était fait par 300 maîtres d'hôtel dans la tenue rigoureuse prescrite par le cérémonial de l'ancienne maison impériale. À moins qu'un universel cri d'horreur n'arrête à temps cet homme, toutes ses têtes tomberont. À l'heure où nous écrivons ceci, voici ce qui vient de se passer à Belley. Un homme de Bugey, près Belley, un ouvrier nommé Charlet, avait ardemment soutenu, au 10 décembre 1848, la candidature de Louis Bonaparte. Il avait distribué des bulletins, appuyé, propagé, colporté. L'élection fut pour lui un triomphe. Il espérait en Louis-Napoléon. Il prenait au sérieux les écrits socialistes de l'homme de Ham et ses programmes humanitaires et républicains. Au 10 décembre, il y a eu beaucoup de ces dupes honnêtes. Ce sont aujourd'hui les plus indignés. Quand Louis Bonaparte fut au pouvoir, quand on vit l'homme à l'œuvre, les illusions s'évanouirent. Charlet, homme d'intelligence, fut un de ceux dont la probité républicaine se révolta, et peu à peu, à mesure que Louis Bonaparte s'enfonçait plus avant dans la réaction, Charlet se détachait de lui. Il passa ainsi de l'adhésion la plus confiante à l'opposition la plus loyale et la plus vive. C'est l'histoire de beaucoup d'autres nobles cœurs. Au 2 décembre, Charlet n'hésita pas. en présence de tous les attentats réunis dans l'acte infâme de Louis Bonaparte, Charlet sentit la loi remuer en lui. Il se dit qu'il devait être d'autant plus sévère qu'il était un de ceux dont la confiance avait été le plus trahie. Il comprit clairement qu'il n'y avait plus qu'un devoir pour le citoyen, un devoir étroit et qui se confondait avec le droit, défendre la République, défendre la Constitution et résister par tous les moyens à l'homme que la gauche, et son crime plus encore que la gauche, venait de mettre hors la loi. Les réfugiés de Suisse passèrent la frontière en armes, traversèrent le Rhône près d'Anglefort et entrèrent dans le département de l'Ain. Charlet se joignit à eux. À Seyssel, la petite troupe rencontra les douaniers. Les douaniers, complices volontaires ou égarés du coup d'État, voulurent s'opposer à leur passage. Un engagement eut lieu, un douanier fut tué, Charlet fut pris. Le coup d'État traduisit Charlet devant un conseil de guerre. On l'accusait de la mort du douanier, qui, après tout, n'était qu'un fait de combat. Dans tous les cas, Charlet était étranger à cette mort. Le douanier était tombé percé d'une balle et Charlet n'avait d'autre arme qu'une lime aiguisée. Charlet ne reconnut pas pour un tribunal le groupe d'hommes qui prétendait le juger. Il leur dit « Vous n'êtes pas des juges, où est la loi ? La loi est de mon côté !» Il refusa de répondre. Interrogé sur le fait du douanier tué, il eût pu tout éclaircir d'un mot. Mais descendre à une explication s'eût été accepté dans une certaine mesure ce tribunal. Il ne voulut pas, il garda le silence. Ses hommes le condamnèrent à mort, selon la forme ordinaire des exécutions criminelles. La condamnation prononcée, on sembla l'oublier. Les jours, les semaines, les mois s'écoulaient. De toutes parts dans la prison, on disait à Charlet « Vous êtes sauvé ?» Le 29 juin, au point du jour, la ville de Belley vit une chose lugubre. L'échafaud était sorti de terre pendant la nuit et se dressait au milieu de la place publique. Les habitants s'abordaient tout pâles et s'interrogeaient « Avez-vous vu ce qui est dans la place ?»« Oui. Pour qui ?» C'était pour Charlet. La sentence de mort avait été déférée à M. Bonaparte, elle avait longtemps dormi à l'Élysée, on avait d'autres affaires, mais un beau matin, après 7 mois, personne ne songeant plus ni à l'engagement de Seyssel, ni au douanier tué, ni à Charlet, M. Bonaparte ayant probablement besoin de mettre quelque chose entre la fête du 10 mai et la fête du 15 août, avait signé l'ordre d'exécution. Le 29 juin donc, il y a quelques jours à peine, Charlet fut extrait de sa prison. On lui dit qu'il allait mourir. Il resta calme. Un homme qui est avec la justice ne craint pas la mort car il sent qu'il y a 2 choses en lui. L'une, son corps qu'on peut tuer, l'autre, la justice, à laquelle on ne lie pas les bras et dont la tête ne tombe pas sous le couteau. On voulut faire monter Charlet en charrette. « Non, dit-il au gendarme, j'irai à pied. Je puis marcher, je n'ai pas peur. » La foule était grande sur son passage. Tout le monde le connaissait dans la ville et l'aimait. Ses amis cherchaient son regard. Charlet, les bras attachés derrière le dos, saluait de la tête à droite et à gauche. « Adieu, Jacques. Adieu, Pierre, » disait-il, et il souriait. « Adieu, Charlet, » répondait-il, et tous pleuraient. La gendarmerie et la troupe de ligne entouraient l'échafaud. Il y monta d'un pas lent et ferme. Quand on le vit debout sur l'échafaud, la foule eut un long frémissement. Les femmes jetaient des cris, les hommes crispaient le poing. Pendant qu'on le bouclait sur la bascule, il regarda le couperet et dit « Quand je pense que j'ai été bonapartiste !» Puis, levant les yeux au ciel, il cria « Vive la République !» Un moment après, sa tête tombait. Ce fut un deuil dans Belley et dans tous les villages de l'Ain. « Comment est-il mort ? » demandait-on. « Bravement, Dieu soit loué. » C'est de cette façon qu'un homme vient d'être tué. La pensée succombe et s'abîme dans l'horreur en présence d'un fait si monstrueux. Ce crime, ajouté aux autres crimes, les achève et les scelle d'une sorte de sauce sinistre. C'est plus que le complément, c'est le couronnement. On sent que M. Bonaparte doit être content, faire fusiller la nuit dans l'obscurité et dans la solitude, au Champ de Mars, sous les arches des ponts, derrière un mur désert, n'importe qui, au hasard, pêle-mêle des inconnus, des ombres, dont on ne sait pas même le chiffre, faire tuer des anonymes par des anonymes, et que tout cela s'en aille dans les ténèbres, dans le néant, dans l'oubli. En somme, c'est peu satisfaisant pour l'amour-propre. On a l'air de se cacher, et vraiment, on se cache en effet. C'est médiocre. Les gens à scrupules ont le droit de vous dire « Vous voyez bien que vous avez peur. Vous n'oseriez faire ces choses-là en public. Vous reculez devant vos propres actes. » Et dans une certaine mesure, ils semblent avoir raison. Arquebuser les gens la nuit, C'est une violation de toutes les lois divines et humaines, mais ce n'est pas assez insolent. On ne se sent pas triomphant après. Quelque chose de mieux est possible. Le grand jour, la place publique, l'échafaud légal, l'appareil régulier de la vindicte sociale, livrer les innocents à cela, les faire périr de cette manière, ah, c'est différent! Parlez-moi de ceci! Commettre un meurtre en plein midi, au beau milieu de la ville, au moyen d'une machine appelée tribunal ou conseil de guerre, au moyen d'une autre machine lentement bâtie par un charpentier, ajustée, emboîtée, vissée et graissée à loisir. Dire « ce sera pour telle heure ». Apporter deux corbeilles et dire « ceci sera pour le corps et ceci pour la tête ». L'heure venue, amener la victime liée de cordes, assistée d'un prêtre. Procéder au meurtre avec calme, charger un greffier d'en dresser procès-verbal, entourer le meurtre de gendarmes le sabre nu, de telle sorte que le peuple qui est là frissonne et ne sache plus ce qu'il voit, et doute si ces hommes en uniforme sont une brigade de gendarmerie ou une bande de brigands, et se demande, en regardant l'homme qui lâche le couperet, si c'est le bourreau et si ce n'est pas plutôt un assassin. Voilà qui est hardi et ferme. Voilà une parodie du fait légal bien effrontée et tentante et qui vaut la peine d'être exécutée. Voilà un large et splendide soufflet sur la joue de la justice. À la bonne heure. Faire cela, 7 mois après la lutte, froidement, inutilement, comme un oubli qu'on répare, comme un devoir qu'on accomplit, c'est effrayant, c'est complet, on a un air d'être dans son droit qui déconcerte les consciences et qui fait frémir les honnêtes gens. Rapprochement terrible et qui contient toute la situation. Voici 2 hommes, un ouvrier et un prince. Le prince commet un crime, il entre aux Tuileries, l'ouvrier fait son devoir, il monte sur l'échafaud. Et qui est-ce qui dresse l'échafaud de l'ouvrier? C'est le prince. Oui, cet homme qui, s'il eût été vaincu en décembre, n'eût échappé à la peine de mort que par l'omnipotence du progrès et par extension, à coup sûr trop généreuse, du principe de l'inviolabilité de la vie humaine, cet homme, ce Louis Bonaparte, ce prince qui transporte les façons de faire des Pullman et des soufflards dans la politique, c'est lui qui rebâtit l'échafaud. Et il ne tremble pas, et il ne pâlit pas, et il ne sent pas que c'est là une échelle fatale, qu'on est maître de ne point la relever, mais qu'une fois relevée, on n'est plus maître de la renverser, et que celui qui la dresse pour autrui la retrouve plus tard pour lui-même, elle le reconnaît et lui dit « Tu m'as mise là ?» Je t'ai attendu. Non, cet homme ne raisonne pas. Il a des besoins, il a des caprices. Il faut qu'il les satisfasse. Ce sont des envies de dictateur. La toute-puissance serait fade si on ne l'assaisonnait de cette façon. Allons, coupez la tête à Charlet et aux autres. Monsieur Bonaparte est prince président de la République française. Monsieur Bonaparte a 16 millions par an, 44 000 francs par jour, 24 cuisiniers pour son service personnel et autant d'aides de camp. Il a droit de chasse aux étangs de Saclay et de Saint-Quentin, aux forêts de Laigne, d'Ourscan et de Carlemont, aux bois de Champagne et de Barbeau. Il a les Tuileries, le Louvre, l'Élysée, Rambouillet, Saint-Cloud, Versailles, Compiègne. Il a sa loge impériale à tous les spectacles, fêtes et galas et musique tous les jours. Le sourire de Monsieur Cibourg et le bras de Madame la Marquise de Douglas pour entrer au bal, tout cela ne lui suffit pas. Il lui faut encore cette guillotine. Il lui faut quelques-uns de ces paniers rouges parmi les paniers de vin de champagne. Oh, cachons nos visages de nos 2 mains. Cet homme, ce hideux boucher du droit et de la justice, avait encore le tablier sur le ventre et les mains dans les entrailles fumantes de la Constitution et les pieds dans le sang de toutes les lois égorgées, quand vous, juges, quand vous, magistrats, hommes des lois, hommes du droit. Mais je m'arrête. Je vous retrouverai plus tard, avec vos robes noires et avec vos robes rouges, avec vos robes couleur d'encre et vos robes couleur de sang, et je les retrouverai aussi, je les ai déjà châtiés, et je les châtierai encore, ces autres, vos chefs, ces juristes souteneurs du guet-apens, ces prostituées, ce baroche, ce suin, ce royer, ce mongi, ce rouère, ce troplongue, déserteur des lois, tous ces noms qui n'expriment plus autre chose que la quantité de mépris possible à l'homme. Et s'il n'a pas scié ses victimes entre 2 planches, comme Christiane II, s'il n'a pas enfoui les gens en vie comme Ludovic le mort, s'il n'a pas bâti les murs de son palais avec des hommes vivants et des pierres comme Timur Beg, qui naquit, dit la légende, les mains fermées et pleines de sang, s'il n'a pas ouvert le ventre aux femmes grosses comme César, duc de Valentinois, s'il n'a pas estrapadé les femmes par les seins, testibuc viros comme Ferdinand de Tolède, s'il n'a pas roué vif, brûlé vif, bouilli vif, écorché vif, crucifié, empalé, écartelé, ne vous en prenez pas à lui, ce n'est pas sa faute, c'est que le siècle s'y refuse obstinément. Il a fait tout ce qui était humainement ou inhumainement possible. Le XIXe siècle, siècle de douceur, siècle de décadence, comme disent les absolutistes et les papistes, étant donné, Louis Bonaparte a égalé en férocité ses contemporains Hainaut, Radetzky, Filangieri, Schwarzenberg et Ferdinand de Naples, et les a dépassés même. Mérite rare et dont il faut lui tenir compte, comme d'une difficulté de plus, la scène s'est passée en France. Rendons-lui cette justice. Au temps où nous sommes, Ludovic Sforza, le Valentinois, le duc d'Albe, Timour et Christiane II n'auraient rien fait de plus que Louis Bonaparte. Dans leur époque, il eût fait tout ce qu'ils ont fait dans la nôtre au moment de construire et de dresser les gibets, les roues, les chevalets, les grues à estrapades, les tours vivantes, les croix et les bûchers. Ils se seraient arrêtés comme lui, malgré eux, et à leur insu, devant la résistance secrète et invincible du milieu moral, devant la force invincible du progrès accompli, devant le formidable et mystérieux refus de tout un siècle qui se lève au nord, au midi, à l'orient, à l'occident, autour des tyrans, et qui leur dit non. 3. Ce qu'eût été 1852. Mais sans cet abominable 2 décembre, nécessaire, comme disent les complices et à leur suite les dupes, que se serait-il donc passé en France? Mon Dieu, ceci. Remontons de quelques pas en arrière et rappelons sommairement la situation telle qu'elle était avant le coup d'État. Le parti du passé, sous le nom de l'ordre, résistait à la République, en d'autres termes, résistait à l'avenir. Qu'on s'y oppose ou non, qu'on y consente ou non, la République, toute illusion laissée de côté, est l'avenir, prochain ou lointain, mais inévitable, des nations. Comment s'établira la République? Elle peut s'établir de deux façons, par la lutte ou par le progrès. Les démocrates la veulent par le progrès, leurs adversaires, les hommes du passé, semblent la vouloir par la lutte. Comme nous venons de le rappeler, les hommes du passé résistent. Ils s'obstinent, ils donnent des coups de hache dans l'arbre, se figurant qu'ils arrêteront la sève qui monte. Ils prodiguent la force, la puérilité et la colère. Ne jetons aucune parole amère à nos anciens adversaires tombés avec nous, le même jour que nous, et plusieurs honorablement de leur côté. Bornons-nous à constater que c'est dans cette lutte que la majorité de l'Assemblée législative de France était entrée dès les premiers jours de son installation, dès le mois de mai 1849. Cette politique de résistance est une politique funeste. Cette lutte de l'homme contre Dieu est nécessairement vaine, mais nulle comme résultat, elle est féconde en catastrophe. Ce qui doit être, sera. Il faut que ce qui doit couler, coule, que ce qui doit tomber, tombe, que ce qui doit naître, naisse, que ce qui doit croître, croisse. Mais faites obstacle à ces lois naturelles, le trouble survient, le désordre commence. Chose triste, c'est ce désordre qu'on avait appelé l'ordre. Liez une veine, vous avez la maladie. Entravez un fleuve, vous avez l'inondation. Barrez l'avenir, vous avez les révolutions. Obstinez-vous à conserver au milieu de vous, comme s'il était vivant, le passé qui est mort. Vous produisez je ne sais quelle choléra morale. La corruption se répand, elle est dans l'air. On la respire. Des classes entières de la société, les fonctionnaires par exemple, tombent en pourriture. Gardez les cadavres dans vos maisons, la peste éclatera. Fatalement, cette politique aveugle ceux qui la pratiquent. Ces hommes qui se qualifient hommes d'État en sont à ne pas comprendre qu'ils ont fait eux-mêmes, de leurs mains et à grand-peine et à la sueur de leur front, ces événements terribles dont ils se lamentent, et que ces catastrophes qui croulent sur eux ont été construites par eux. Que dirait-on d'un paysan qui ferait un barrage d'un bord à l'autre d'une rivière devant sa cabane et qui, quand la rivière devenue torrent, déborderait, quand elle renverserait son mur, quand elle emporterait son toit, s'écrierait « Méchante rivière !» Les hommes d'État du passé, ces grands constructeurs de digues en travers des courants, passent leur temps à s'écrier « Méchant peuple !» Ôtez Polignac et les ordonnances de juillet, c'est-à-dire le barrage, et Charles X serait mort aux Tuileries. Réformez en 1847 la loi électorale, c'est-à-dire encore ôter le barrage, Louis-Philippe serait mort sur le trône. Est-ce à dire que la République ne serait pas venue? Cela, non. La République, répétons-le, c'est l'avenir. Elle serait venue, mais pas à pas, progrès à progrès, conquête à conquête, comme un fleuve qui coule et non comme un déluge qui envahit. Elle serait venue à son heure, quand tout aurait été prêt pour la recevoir. Elle serait venue non pas certes plus viable, car dès à présent elle est indestructible, mais plus tranquille, sans réaction possible, sans prince la guettant, sans coup d'état derrière elle. La politique de résistance au mouvement humain excelle, insistons sur ce point, à créer des cataclysmes artificiels. Ainsi, elle avait réussi à faire de l'année 1852 une sorte d'éventualité redoutable, et cela toujours par le même procédé, au moyen d'un barrage. Voici un chemin de fer, le convoi va passer dans une heure. Jetez une poutre en travers des rails, quand le convoi arrivera, il s'y écrasera, vous aurez fampou. Ôtez la poutre avant l'arrivée du train, le convoi passera sans même se douter qu'il y avait là une catastrophe. Cette poutre, c'est la loi du 31 mai. Les chefs de la majorité de l'Assemblée législative l'avaient jetée en travers de 1852 et ils criaient « C'est là que la société se brisera ». La gauche leur disait « Ôtez la poutre, ôtez la poutre, laissez passer librement le suffrage universel ». Ceci est toute l'histoire de la loi du 31 mai. Ce sont là des choses qu'un enfant comprendrait et que les hommes d'État ne comprennent pas. Maintenant, répondons à la question que nous posions tout à l'heure. Sans le 2 décembre, que se serait-il passé en 1852? Supprimez la loi du 31 mai. Ôtez au peuple son barrage. Ôtez à Bonaparte son levier, son arme, son prétexte. Laissez tranquille le suffrage universel. Ôtez la poutre de dessus les rails. Savez-vous ce que vous auriez eu en 1852? Rien. Des élections. Des espèces de dimanches calmes où le peuple serait venu voter, hier travailleur, aujourd'hui électeur, demain travailleur, toujours souverain. On reprend. Oui, des élections, vous en parlez bien à votre aise, mais la Chambre rouge qui serait sortie de ces élections. N'avait-on pas annoncé que la constituante de 1848 serait une Chambre rouge? Chambre rouge. Croque-mitaine rouge, toutes ces prédictions se valent. Ceux qui promènent au bout d'un bâton ces fantasmagories devant les populations effarouchées savent ce qu'ils font et rient derrière la loque horrible qu'ils font flotter. Sous la longue robe écarlate du fantôme auquel on avait donné ce nom, 1852, on voit passer les bottes fortes du coup d'État. 4. La jacquerie. Cependant, après le 2 décembre, une fois le crime commis, il fallait bien donner le change à l'opinion. Le coup d'État se mit à crier à la jacquerie comme cet assassin qui criait au voleur. Ajoutons qu'une jacquerie avait été promise et que M. Bonaparte ne pouvait, sans quelque inconvénient, manquer à la fois à toutes ses promesses. Qu'était le spectre rouge, sinon la jacquerie? Il fallait bien donner quelque réalité à ce spectre. On ne peut pas éclater de rire brusquement au nez des populations et leur dire « Il n'y avait rien ?» Je vous ai toujours fait peur de vous-même. Il y a donc eu jacquerie. Les promesses de l'affiche ont été tenues. Les imaginations de l'entourage se sont données carrière. On a exhumé les épouvantes de la mère loi et plus d'un enfant, en lisant le journal, aurait pu reconnaître l'ogre du bonhomme Perrault déguisé en socialiste. On a supposé, on a inventé. La presse étant supprimée, c'était fort simple. Mentir est facile quand on a d'avance arraché la langue au démenti. On a crié « Alerte, bourgeois !» Sans nous, vous étiez perdus. Nous vous avons mitraillé, mais c'était pour votre bien. Regardez, les Lollards étaient à vos portes, les Anabaptistes escaladaient votre mur, les Hussites cognaient à vos persiennes, les Maigres montaient votre escalier, les ventres creux convoitaient votre dîner. Alerte ! N'a-t-on pas un peu violé, mesdames, vos femmes ? On a donné la parole à un des principaux rédacteurs de La Patrie, nommé Froissart. Je n'oserois écrire ni raconter les horribles faits et inconvenables qu'ils faisoient aux dames. Mais entre les autres désordonnances et vilains faits, ils tuèrent un chevalier et le boutèrent en une broche et le tournèrent au feu et le rôtirent devant la dame et ses enfants. Après ce que 10 ou 12 eurent la dame efforcée et violée, ils les en voulurent faire manger par force et puis les tuèrent, et firent mourir de mal mort. Ces méchantes gens roboisent et ardoient tout, et tua et efforçoit et violoa toutes dames et pucelles sans pitié et sans merci, ainsi comme des chiens enragés. Tout en semblable matière si faite Jean se maintenoit entre Paris et Noyon, et entre Paris et Soissons, et âme en Vermandois, par toute la terre de Coucy. Là et toi les grands violeurs et malfaiteurs, et excluèrent que entre la comté de Valois, que en l'évêché de Laon, de Soissons et de Noyon, plus de 100 châteaux et de bonnes maisons de chevaliers et écuyers, et tua et roboa quand que il trouvoit. Mais Dieu, par sa grâce, y mit tel remède, de quoi on le doit bien regracier. On remplaça seulement Dieu par Monseigneur le Prince Président, c'était bien le moins. Aujourd'hui, après 8 mois écoulés, on sait à quoi s'en tenir sur cette jacquerie. Les faits ont fini par arriver au jour. Et où? Comment? Devant les tribunaux même de M. Bonaparte, les sous-préfets dont les femmes avaient été violées n'avaient jamais été mariées, les curés qui avaient été rôtis vifs et dont les Jacques avaient mangé le cœur ont écrit qu'ils se portaient bien, les gendarmes autour des cadavres desquels on avait dansé sont venus déposer devant les conseils de guerre, les caisses publiques pillées se sont retrouvées intactes entre les mains de M. Bonaparte qui les a sauvées. Le fameux déficit de 5 000 francs de Clamcy s'est réduit à 200 francs dépensés en bons de pain. Une publication officielle avait dit le 8 décembre « Le curé, le maire et le sous-préfet de Joigny et plusieurs gendarmes ont été lâchement massacrés. » Quelqu'un a répondu dans une lettre rendue publique « Pas une goutte de sang n'a été répandue à Joigny, la vie de personne n'y a été menacée. » Qui a écrit cette lettre? Ce même maire de Joigny, lâchement massacré. Monsieur Henri de Lacretelle, auquel une bande armée avait extorqué 2 000 francs dans son château de Cormatin, est encore stupéfait à cette heure, non de l'extorsion, mais de l'invention. Monsieur de Lamartine, qu'une autre bande avait voulu saccager et probablement mettre à la lanterne, et dont le château de Saint-Point avait été incendié, et qui avait écrit pour réclamer le secours du gouvernement, a appris la chose par les journaux. La pièce suivante a été produite devant le conseil de guerre de la Nièvre, présidé par l'ex-colonel Martin Prêt. Ordre du comité. La probité est une vertu des républicains. Tout voleur ou pillard sera fusillé. Tout détenteur d'armes qui, dans les 12 heures, ne les aura pas déposées à la mairie ou qui ne les aura pas rendues sera arrêté et détenu jusqu'à nouvel ordre. Tout citoyen ivre sera désarmé et emprisonné. Clamcy, 7 décembre 1851, vive la République sociale, le comité révolutionnaire social. Ce qu'on vient de lire est la proclamation des Jacques. Mort aux pillards, mort aux voleurs, tel est le cri de ces voleurs et de ces pillards. Un de ces Jacques, nommé Gustave Verdun-Lagarde, de Lot-et-Garonne, est mort en exil à Bruxelles le 1er mai 1852, léguant 100 000 francs à sa ville natale pour y fonder une école d'agriculture. Ce partageux a partagé, en effet. Il n'y a donc point eu, et les honnêtes biseauteurs du coup d'État en conviennent aujourd'hui dans l'intimité, avec un aimable enjouement, il n'y a point eu de jacquerie. C'est vrai, mais le tour est fait. Il y a eu dans les départements ce qu'il y a eu à Paris, la résistance légale, la résistance prescrite aux citoyens par l'article 110 de la Constitution et au-dessus de la Constitution par le droit naturel. Il y a eu la légitime défense. Cette fois, le mot est à sa place, contre les sauveurs, la lutte à main armée du droit et de la loi contre l'infâme insurrection du pouvoir. La République, surprise par guet-apens, s'est colletée avec le coup d'État. Voilà tout. 27 départements se sont levés, l'Ain, l'Aude, le Cher, les Bouches-du-Rhône, la Côte d'Or, la Haute-Garonne, Lot-et-Garonne, le Loiret, la Marne, la Meurthe, le Nord, le Bas-Rhin, le Rhône, Seine-et-Marne, ont fait dignement leur devoir. Les Basses-Alpes, l'Aveyron, la Drôme, le Gard, le Gers, l'Hérault, le Jura, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire, le Var et Vaucluse l'ont fait intrépidement. Ils ont succombé, comme à Paris. Le coup d'État a été féroce là comme à Paris. Nous venons de jeter un coup d'œil sommaire sur ces crimes. C'est cette résistance légale, constitutionnelle, vertueuse, cette résistance dans laquelle l'héroïsme fut du côté des citoyens et l'atrocité du côté du pouvoir, c'est là ce que le coup d'État a appelé la jacquerie. Répétons-le, un peu de spectre rouge était utile. Cette jacquerie était à deux fins. Elle servait de deux façons la politique de l'Élysée. Elle offrait un double avantage. D'une part, faire voter oui sur le plébiscite, faire voter sous le sabre et en face du spectre, comprimer les intelligents, effrayer les crédules, la terreur pour ceci, la peur pour cela, comme nous l'expliquerons tout à l'heure, tout le succès et tout le secret du vote du 20 décembre est là. D'autre part, donner prétexte aux proscriptions. 1852 ne contenait donc en soi-même aucun danger réel. La loi du 31 mai, tuée moralement, était morte avant le 2 décembre. Une assemblée nouvelle, un président nouveau, la constitution purement et simplement mise en pratique, des élections, rien de plus. Ôtez M. Bonaparte, voilà 1852. Mais il fallait que M. Bonaparte s'en allât, là était l'obstacle, de là est venue la catastrophe. Ainsi, cet homme, un beau matin, a pris à la gorge la Constitution, la République, la loi, la France. Il a donné à l'avenir un coup de poignard par derrière, il a foulé aux pieds le droit, le bon sens, la justice, la raison, la liberté. Il a arrêté des hommes inviolables, il a séquestré des hommes innocents, il a banni des hommes illustres, il a empoigné le peuple dans la personne de ses représentants, il a mitraillé les boulevards de Paris, il a fait patauger sa cavalerie dans le sang des vieillards et des femmes, il a arquebusé sans sommation, il a fusillé sans jugement, il a empli Mazas, la conciergerie, Sainte-Pélagie, Vincennes, les forts, les cellules, les casemates, les cachots de prisonniers et de cadavres les cimetières. Il a fait mettre à Saint-Lazare la femme qui portait du pain à son mari caché. Il a envoyé aux galères pour 20 ans l'homme qui donnait asile à un proscrit. Il a déchiré tous les codes et violé tous les mandats. Il a fait pourrir les déportés par milliers dans la cale horrible des pontons. Il a envoyé à Lambessa et à Cayenne 150 enfants de 12 à 15 ans. Lui qui était plus grotesque que Falstaff, il est devenu plus terrible que Richard III. Et tout cela pourquoi? Parce qu'il y avait, il l'a dit, contre son pouvoir, un complot. Parce que l'année qui finissait s'entendait traîtreusement avec l'année qui commençait pour le renverser, parce que l'article 45 se concertait perfidement avec le calendrier pour le mettre dehors, parce que le deuxième dimanche de mai voulait le déposer, parce que son serment avait l'audace de tramer sa chute, parce que sa parole d'honneur conspirait contre lui. Le lendemain du triomphe, on le raconte, il a dit « Le deuxième dimanche de mai est mort. » Non. C'est la probité qui est morte, c'est l'honneur qui est mort, c'est le nom de l'empereur qui est mort. Comme l'homme qui est dans la chapelle Saint-Jérôme doit tressaillir, et quel désespoir! Voici l'impopularité qui monte autour de la grande figure, et c'est ce fatal neveu qui a posé l'échelle. Voici les grands souvenirs qui s'effacent, et les mauvais souvenirs qui reviennent. On n'ose déjà plus parler d'Iéna, de Maringo, de Wagram. De quoi parle-t-on? Du duc d'Enghien, de Jaffa, du 18 Brumaire. On oublie le héros et l'on ne voit plus que le despote. La caricature commence à tourmenter le profil de César. Et puis, quelle personne à côté de lui? Il y a des gens déjà qui confondent l'oncle avec le neveu à la joie de l'Élysée et à la honte de la France. Le parodiste prend des airs de chef d'emploi. Hélas! Sur cette immense splendeur, il ne fallait pas moins que cette immense souillure. Oui. Pire que Hudson Lowe. Hudson Lowe n'était qu'un geôlier, Hudson Lowe n'était qu'un bourreau. L'homme qui assassine véritablement Napoléon, c'est Louis Bonaparte. Hudson Lowe n'avait tué que sa vie. Louis Bonaparte tue sa gloire. Ah, le malheureux! Il prend tout, il use tout, il salit tout, il déshonore tout, il choisit pour son guet-apens le mois, le jour d'Austerlitz. Il revient de Satory comme on revient d'Aboukir. Il fait sortir du 2 décembre je ne sais quel oiseau de nuit et il le perche sur le drapeau de la France et il dit « Soldats, voici l'aigle ». Il emprunte à Napoléon le chapeau et à Murat le plumet. Il a son étiquette impériale, ses chambellans, ses aides de camp, ses courtisans. Sous l'empereur, c'était des rois. Sous lui, ce sont des laquais. Il a sa politique à lui, il a son 13 vendémiaire à lui, il a son 18 Brumaire à lui, il se compare. À l'Élysée, Napoléon le Grand a disparu, on dit « l'oncle Napoléon ». L'homme du destin est passé Géronte. Le complet, ce n'est pas le premier, c'est celui-ci. Il est évident que le premier n'est venu que pour faire le lit du second. Louis Bonaparte, entouré de valets et de filles, accommode pour les besoins de sa table et de son alcôve le couronnement, le sacre, la Légion d'honneur, le camp de Boulogne, la colonne Vendôme, Lodi, Arcole, Saint-Jean d'Acre, Eylau, Friedland, Champaubert. Ah, Français, regardez le pourceau couvert de fange qui se vautre sur cette peau de lion.